Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons entreprendre en ce début de semaine le chapitre 18 et nous allons voir pendant, je pense, presque deux chapitres ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es un grand Dieu, un Dieu unique. Et tu veux, Seigneur, dans ta parole, nous révéler qui tu es. Et si on pourrait comprendre que c'est la révélation qui accomplit en nous ce que tu veux accomplir, c'est la vérité que nous recevons de toi, qui fait toute la différence. Donc, conduis-nous à travers ce chapitre et on veut comprendre ton royaume, on veut comprendre tes conditions pour pouvoir y rentrer. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous guider par ton Esprit Saint, car il est le seul qui peut nous faire comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais, si vous voulez bien, résumer un petit peu. Nous avons vu au chapitre 15, 16, où est-ce que Jésus dit à plusieurs reprises, en parlant de la génération dans laquelle lui a vécu, il dit « génération méchante et perverse, génération incrédule, génération adultère », qui étaient des mots pour décrire l'état spirituel de la génération dans laquelle Jésus a vécu. Mais en même temps, je crois, reflète toutes les générations de tous les temps. À cause de cette perversité-là, à cause de cet adultère spirituel, cette idolâtrie, à cause de cette méchanceté, ils n'ont pas su reconnaître leur Messie, ils n'ont pas su reconnaître les signes des temps. Ils n'ont pas su reconnaître le royaume qui était arrivé en Jésus-Christ. Ils s'attendaient à autre chose. Et à cause de cela, ils n'ont pas reconnu ce qui leur était donné de la part de Dieu. Nous allons voir cette semaine, dans le chapitre 18, comment entrer dans le royaume des cieux. Comment faire partie de ce royaume-là? Il faut faire attention, quand nous lisons, de ne pas appliquer à l'Église ce qui devait être appliqué pour entrer dans l'Église, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le peuple de Dieu. Comme on va voir ce matin, comme on va lire, il va dire à ses disciples, « Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce qu'il voulait bien dire? C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons commencer par prendre le temps de lire le chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Il faut faire attention ici, parce que la perception que nous avons des enfants peut nous tromper ici. Notre perception Présentement, dans ma culture, dans ma génération, les petits-enfants, c'est des petits-anges, sont purs. Et si vous avez un peu regardé des films, on met les enfants purs. Donc, c'est eux autres qui sont quasiment les protecteurs de ce monde parce qu'ils sont purs, eux autres. Ils sont sans tâche, eux autres. C'est nous, les adultes, qui avons rendu les enfants impurs. Mais ce n'est pas la réalité, ça. Donc, il faut faire attention de ne pas faire dire à Jésus ici ce qu'il ne veut pas dire dans ce texte. Donc, regardons ensemble. Ce qu'il va dire ou ce qu'il va enseigner est en réponse à ce que les disciples ont dit dans le verset 1. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est qui est le plus grand? Ça nous donne une perception qu'ils ont du royaume des cieux. Ils s'approchent de Jésus et disent, lequel est le plus grand? Lequel va être le premier? Lequel va avoir la meilleure place dans le ciel? Et les autres évangiles nous font ressortir aussi cette pensée-là des disciples. Lequel va être assis à ta droite et à ta gauche dans le royaume des cieux? Ça nous en dit beaucoup. En tout cas, quand moi je lis l'Apocalypse, je vois pas ça. Ce genre de siège-là, les plus hauts, les plus bas, les plus proches. Non, non. Dans l'Apocalypse, on voit une foule et un trône. Jésus dit, vous comprenez pas bien. Vous comprenez pas bien le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, ça fonctionnera pas comme ça. Et là, pour les instruire, pour redresser cette mauvaise compréhension qu'ils ont du royaume des cieux, il appelle un petit enfant. Jeune enfant. Petit, pas juste un enfant, mais un petit enfant. Et il le place là comme leçon de choses. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oups! Oups! Ça veut-tu dire qu'il n'était pas encore rentré? Là, il ne parle pas du ciel. Ah! Il ne parle pas du ciel. Il parle de rentrer sous le règne de Dieu, rentrer dans le peuple de Dieu, faire partie du royaume des cieux, devenir un croyant. Ce que nous, on dirait devenir un chrétien. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, si tu veux que Dieu vienne régner sur toi, si tu veux que Dieu vienne guider ta vie, si tu veux devenir son sujet, si tu veux rentrer sous le règne du roi, si tu veux faire partie de ce nouveau royaume que Dieu est en train d'installer, il faut que tu te convertisses et que tu deviennes comme les petits-enfants. Donc, il n'est pas en train de dire ici, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu deviennes pur comme un enfant. Non, non, non, non, non, non. Parce qu'il l'explique après au verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, convertir, devenir comme le petit enfant, se rendre humble comme ce petit enfant, c'est toutes des synonymes, selon ma compréhension. Changer d'attitude, si tu veux pas changer cette attitude de devenir le plus grand, d'être le plus important, d'être orgueilleux, de vouloir être le premier, le plus haut placé dans le royaume des cieux, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Là, lui, il pense comme, il voit le royaume des cieux un peu comme un royaume terrestre, où est-ce qu'il y a un roi, des ministres, des conseillers, des gens plus haut placés. Puis les gens en bas, moins haut placés. Il dit non, non, non, non, ça fonctionnera pas comme ça. Tout le monde, tout le monde doit devenir, se convertir ou devenir comme les petits-enfants. Il doit devenir humble comme ce petit enfant-là. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Et il dit au verset 4, quiconque, n'importe qui se rendra humble comme ce petit enfant va être le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il n'y en aura pas rien qu'un plus grand. Tous ceux qui vont se convertir et devenir ou se rendre humbles comme un petit enfant, ils vont être le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, dans le royaume des cieux, tu vas être tous égaux. Tous ceux qui vont se rendre humbles comme un enfant, ils vont entrer dans le royaume des cieux et ils vont être les plus grands. Moi, si je comprends bien, si je comprends bien le passage, tout le monde va être égal. Parce que pour entrer, il faut devenir comme un enfant. Et si je deviens comme un enfant, je vais être le plus grand. Il n'y aura pas de degré. Parce que il faut que je devienne comme un enfant pour y entrer. Et si je deviens comme un enfant, je vais être le plus grand. Donc, toute personne qui va se rendre comme un enfant va être le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Pas ici dans le sens de pureté, parce qu'on sait très bien que les enfants sont pas purs. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit au verset 5, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Est-ce que le texte est en train de dire ici maintenant, si au nom de Jésus, je prends soin d'un enfant sur la terre, je reçois Jésus lui-même? Là, j'ai un problème, là. J'ai un problème, là. Si je m'occupe des enfants pauvres, des enfants malades, par amour pour Jésus, parce que je suis un enfant de Jésus, je reçois Jésus lui-même. Est-ce qu'un enfant, c'est égal à Jésus? Je ne peux pas dire ça. Ça va contre l'enseignement des Écritures dans l'ensemble. Mais je suis obligé de relier ça à ce qu'on va voir demain. Au verset 6, il dit, « Mais si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit en moi, alors là, on commence à faire la transition. Il dit, si tu deviens comme un petit enfant, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit quelqu'un qui va être devenu comme un petit enfant, reçoit le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il fait partie du royaume des cieux. Et là, je peux jumeler ça avec le restant du Nouveau Testament qui dit, quiconque vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Là, je peux faire la transition avec le restant du Nouveau Testament. Mais si je commence à vouloir dire que les enfants sont purs, et si je m'occupe des enfants, et je prends soin des petits-enfants, comme j'ai déjà entendu prêcher, là, c'est comme si je recevais le Seigneur lui-même. Et là, ça fait plus de sens dans ma tête. Et je donne un rôle aux enfants qu'ils n'ont pas dans les Écritures. Aujourd'hui, dans notre société, on a une société d'enfants rois. C'est autres les plus importants, c'est tolérance zéro par rapport à ce qu'on peut faire aux enfants. Mais il ne faut pas le voir de même au temps de Jésus. La tendance dans le Nouveau Testament, c'est qu'on repoussait les enfants. On ne leur donnait pas la place. On voulait les éloigner parce que c'était pas important. Le plus important, c'était les adultes. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais ici, retenons seulement que Jésus est en train de répondre à des disciples orgueilleux qui veulent être les premiers dans le royaume des cieux. Jésus prend juste une leçon de choses puis il dit, non, non, il faut que vous deveniez humble. Humble, ça veut dire quoi? Prêt à être enseigné, prêt à être dirigé, prêt à être formé, prêt à être conduit. Un enfant, de petit enfant, tu leur tends la main puis ils vont te suivre. Ils vont gober ce que tu dis, en général. C'est ça qu'il est en train de vouloir leur dire. Quels sont ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux? C'est ceux qui vont se laisser instruire, qui vont se laisser conduire par Dieu, par le Maître, par le Roi. Parce qu'on a vu, chapitre 15, 16, 17, ils contestent toujours, ils contestent Jésus. Ils sont rebelles à Jésus. Ils veulent pas, ils éprouvent Jésus. Ils sont scandalisés par Jésus. Il dit, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, acceptez le genre de roi que je suis et le genre de royaume que je tenterai de mettre en place pour la gloire de mon Père. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, si je résume? Pour entrer dans le royaume des cieux, il va falloir que vous changiez d'attitude, les gars. C'est pas devenir le plus important. Parce que dans le royaume des cieux, il y a juste deux catégories de personnes. Il y a Dieu et les sujets. Il y a le roi et les sujets. Il n'y a pas le roi et un paquet de monde différent, là, des ministres, des sous-ministres, puis ou des généraux, puis des capitaines, puis des sergents, puis des soldats, puis des adjudants, puis en tout cas, ce que vous voulez. Dans le royaume des cieux, il y a le roi et les autres. Nous, les sujets. Il dit, et c'est comme ça que vous devez rentrer. Et dans le royaume des cieux, tout le monde va être égal. Vous ne cherchez pas votre avantage, vous ne cherchez pas à être les premiers, vous cherchez à servir le roi. Donc, il dit, tous ceux qui vont recevoir de ces enfants-là, spirituels, qui font partie du royaume des cieux, me reçoivent moi-même. Donc, ce n'est pas, je suis plus important que toi dans le royaume, donc tu es là pour moi. Non, non, non. Tous les enfants qui sont dans le royaume, les enfants spirituels, qui se sont humiliés, qui se sont convertis, qui ont changé, comme des enfants. Ceux qui sont dans le royaume, ils les voient tous égaux. On les reçoit. On les reçoit en mon nom. On les reçoit comme si c'était Jésus eux-mêmes. Ils sont tous égaux. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Donc, il n'y a pas de plus d'important ou de moins important dans le royaume. Tout le monde est égal. Tout le monde est comme des enfants. Et tous ces enfants-là, dans le royaume, sont là pour le maître. Et non pas, certains dans le royaume sont là pour moi et je suis plus important qu'eux autres. Non, non, non, non, non. Tous les enfants du royaume sont là pour leur roi. Donc, si je veux entrer dans le royaume, la première chose qu'il nous dit ici, c'est pour ceux qui sont devenus comme les enfants. Notre Père du ciel, ceux qui sont dans ton royaume, sont humbles dans le sens qu'ils se laissent conduire par le roi, sont humbles dans le sens qu'ils se soumettent à un roi, se soumettent à un règne, le règne de Dieu. Ils ne se voient pas comme étant des sujets spéciaux, mais ils sont juste des sujets comme tous les autres sujets. Seigneur, c'est comme ça que toi, tu nous perçois. C'est comme ça que nous devons aussi te percevoir comme le seul sujet de louange, d'adoration, le seul sujet d'honneur dans le royaume des cieux, c'est toi. Ce n'est pas nous qui en faisons partie. Seigneur, merci de nous avoir donné la grâce de se convertir et de devenir comme des enfants. Merci de nous avoir donné la grâce de voir tous les autres dans le royaume comme égal à nous, parce que nous sommes tous des enfants dans le royaume. Au nom de Jésus, amen.